Alors, on va reprendre pour cette dernière session de la journée, avec donc qui s'intéresse et qui revient sur la question confessionnelle, sur la place de la religion comme élément en partage ou élément clivant entre civils et combattants. Et donc, j'accueille à la tribune Gaëtan Dechoux, qui est professeur d'histoire géographique et doctorant, et qui donc va nous parler cette question de la coexistence confessionnelle dans la ligne des travaux qu'il a menés en cours de master et qu'il poursuit aujourd'hui sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, sur la coexistence confessionnelle dans les armées du roi de France. Merci. Donc bonjour. Alors, effectivement, je vous propose une intervention s'intitulant « Civil » avec des guillemets et soldats face au défi de la coexistence confessionnelle entre XVIIe et XVIIIe siècle. Donc comme ça vient d'être dit, ça s'inscrit dans le cadre de ma thèse sur les religions et les confessions au sein des armées sur cette même période. Donc la guerre, c'est une relation à l'autre, et le cas bien sûr entre le cas des contacts entre soldats et civils est un exemple de cette relation. Relation qui a plusieurs dimensions, et c'est la dimension confessionnelle qui va nous intéresser ici. Mais d'emblée, ce sont des termes qui posent un problème de vocabulaire, et c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, puisque le terme de militaire apparaît au début du XVIIe, mais pour évoquer surtout les officiers, en fait, et le terme de civil est plus tardif. Malgré tout, ce sont des notions qui commencent à se construire progressivement au cours des XVIIe, XVIIIe siècles. Et si ce concept, notamment de civil, n'existe pas, c'est bien parce que la réalité est différente, puisque les sujets du roi de France ont une habitude de porter des armes, de les utiliser. Donc on a une société civile qui est encore très guerrière, et à l'inverse, on a une armée qui n'est pas encore complètement militaire, pour reprendre l'expression d'André Corvisier. Donc la frontière entre les civils et les militaires n'est pas nettement définie. Or, j'utiliserai le mot civil, je ne dirai pas toujours civil entre guillemets, mais vous comprendrez qu'il faudra mettre les guillemets à chaque fois. Je le rappelle également que l'administration militaire est aux mains civiles, par exemple pour le fourrage, choses comme ça. Et ici, j'ai mis donc des portraits donc de ministres de la guerre, de plusieurs ministres qui sont nobles, donc qui font partie de l'ordre de ceux qui combattent, qui s'occupent des questions militaires, mais qui, eux, ne sont pas des combattants. Et donc, ça montre ce problème de définition. Est-ce que ce sont des civils, ce sont des militaires? En tout cas, ce ne sont pas des combattants. Mais pourtant, ce sont eux qui s'occupent des questions militaires. De plus, dans le dictionnaire universel de Furtière, si vous prenez l'article civil, on ne mentionne jamais cette idée que le civil est l'opposé du soldat, comme on l'entend aujourd'hui. Et en plus, le soldat lui-même est régulièrement renvoyé dans la société dite civile, puisqu'au gré des réformes de régiment, des temps de paix, des temps de guerre, etc., on le renvoie régulièrement. Donc les armées du roi de France, au même titre que le reste du royaume, doivent faire face à l'affirmation des identités confessionnelles depuis la réforme protestante au XVIe siècle. Donc avec une présence très majoritaire de catholiques, mais une très forte minorité de protestants. Donc ça, c'est le chiffre, encore une fois, d'André Corvisier, qui considère qu'il y a 10% de soldats protestants dans les armées du roi de France. Chiffre à relativiser, puisque dans ces 10%, on trouve les soldats des régiments étrangers. Donc notamment les régiments suisses ou les régiments allemands dans lesquels on trouve des protestants. Si vous voulez un point de comparaison, en 1670, Jeannine Garrison considère qu'il y a à peu près 6% de protestants dans le royaume. Donc en 1670, on est avant la révocation de l'édit de Nantes. Donc en tout cas, l'armée apparaît comme un refuge pour les protestants, et donc notamment après cet édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes, et donc à partir de cette date, juridiquement, cet acte élimine juridiquement les protestants, il n'y en a plus, officiellement, dans le royaume de France, et donc dans l'armée, à l'exception, je le dis tout de suite, des régiments étrangers qui ont la liberté de culte. On va essayer de voir durant cette présentation cette double frontière, cette double identité, cette identité confessionnelle donc entre protestants et catholiques, et cette identité entre les soldats et les non-soldats. Et on tentera notamment d'analyser cette création progressive de l'identité militaire à travers le prisme confessionnel. Et finalement, de se poser la question notamment, est-ce que la construction de l'identité du soldat prend nécessairement le pas sur les autres identités? Autrement dit, est-ce qu'on est plus un soldat plutôt qu'un protestant lorsqu'on est un soldat protestant, et inversement pour les catholiques. Concernant les sources, donc c'est l'étude du soldat et de son quotidien est extrêmement difficile, tout simplement parce que le quotidien, par définition, il ne se passe rien d'exceptionnel. Et donc, s'il ne se passe rien d'exceptionnel, il n'y a pas de raison qu'on en parle. Donc, c'est extrêmement compliqué. Hein, les sources du type archives judiciaires, les correspondances, les archives des intendants parlent surtout lorsque ça ne va pas. Et lorsque ça va, généralement, on ne dit rien. Donc, dans un premier temps, je vous propose donc de voir les relations confessionnelles. Et ensuite, nous verrons que cette question confessionnelle permet d'entrevoir la progressive construction de l'identité soldatesque, qui donc tend à le séparer du reste de la population. Donc, première idée, donc, les relations confessionnelles. Dans un premier temps, on va voir quand ça se passe bien, c'est-à-dire que la présence militaire peut être une alliée pour conserver son identité protestante. Et c'est notamment le cas lorsqu'il y a des régiments étrangers. Lorsqu'il y a des régiments étrangers, surtout après cet édit de Fontainebleau, eh bien cette présence de militaires va permettre de recréer pendant un temps le cadre spirituel que la monarchie a supprimé. Donc, c'est le cas par exemple à Fénétrange. Donc, à Fénétrange, on est en avril 1743 et on a une lettre du procureur du roi, au grand bailli de Fénétrange qui explique donc que des cavaliers luthériens du régiment royal allemand cavalerie est installé à Fénétrange. Donc, ils ont un aumônier. Donc, cet aumônier fait des prêches, et il fait des prêches chez un certain Jérémy Bricat, qui a un hôtel dans les faubourgs. Jusque-là, il n'y a pas de souci, ils ont le droit, ils font partie des régiments étrangers. Le problème, c'est qu'on a des bourgeois luthériens de la ville qui y assistent. Et là, ça commence à poser problème, puisque ces bourgeois n'ont plus le droit d'exercer leur culte protestant. Donc, le bailli le rappelle, hein, qu'ils n'ont point l'exercice libre de leur religion luthérienne, et donc ils ne peuvent pas y assister. Donc, les jours suivants, en théorie, on n'a plus que les soldats, les luthériens, les soldats allemands luthériens qui y assistent, et plus les bourgeois. En théorie seulement, puisqu'on sait qu'en fait, les bourgeois ont continué à y aller, puisque d'autres bourgeois catholiques, eux, les ont dénoncés. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que les bourgeois de Fénétrange s'allient aux luthériens du régiment royal allemand pour obtenir un secours au moins spirituel. Et donc finalement, les identités qui prennent le dessus ici, ce sont les identités confessionnelles. La monarchie, au contraire, elle tente de réaffirmer l'interdiction du culte protestant pour les bourgeois, et finalement, elle participe à la distinction progressive entre les soldats et les civils. Les bourgeois n'ont pas le droit d'y aller parce qu'ils ne font pas partie des soldats du régiment étranger. On reviendra là-dessus par la suite. Autre moment de contact, ce sont les mariages. Alors, les mariages, les soldats mariés sous l'Ancien Régime sont très mal perçus. Ils sont très mal vus, mais on en a. Et on a parfois la dimension confessionnelle qui entre en ligne de compte. C'est le cas donc en 1699, avec le mariage d'un capitaine suisse avec une fille de Metz qui s'est convertie au protestantisme une dizaine d'années auparavant en Hollande. Et cette dernière, en fait, espère, je cite, « pouvoir, en vertu de ce mariage, venir habiter à Metz et exercer sa religion ». Donc c'est une lettre qui est écrite par le marquis de Barbezieux, qui est ministre de la guerre à ce moment-là, et il l'adresse à l'évêque de Metz. Et il lui dit, en fait, que cet exemple sera très mauvais et qu'il ne faut pas permettre cela. Puisque, je le cite, il explique hein, que si le roi veut bien permettre aux Suisses d'épouser les filles de son royaume qui en sont sorties, mais sa majesté ne veut pas que leurs femmes habitent avec eux en France. Donc finalement, l'identité du soldat et le fait de se marier avec un soldat apparaissait pour cette femme comme un pont vers sa liberté religieuse. Elle espérait pouvoir revenir en France, en tout cas à Metz, pour pouvoir y exercer librement sa foi protestante, mais le ministre le lui interdit. Sauf, bien sûr, si elle abjure, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais elle ne souhaite pas abjurer. Donc finalement, la femme reste une civile française, alors que le soldat, lui, suisse, peut exercer sa foi protestante. Alors, c'est un exemple qui sert de jurisprudence, puisque quelques années après, en 1703, on a un cas similaire, toujours à Metz, avec une femme qui s'appelle Judith Servat, qui est veuve de Joseph Lutz, qui fait partie d'un régiment suisse, alors qui est convertie, mais elle est, je cite, « très mal convertie », et en plus empêchoit les autres de se convertir. Donc elle est née en France, y a toujours résidé, donc c'est une nouvelle convertie, mais apparemment mal convertie. Et dans cette nouvelle lettre qui est envoyée en 1703, il est rappelé que seules les femmes suisses peuvent exercer librement la religion en France. Elle étant une Française, elle n'y a pas le droit. Donc ici, les deux frontières se chevauchent et s'interconnectent. La sphère militaire apparaît comme une échappatoire pour ces femmes à la législation anti-protestante. Mais pour la monarchie, à l'inverse, elle apparaît comme un risque de propagation. Donc on a une frontière qui est poreuse entre ces civils et ces soldats, pardon, et les gens de guerre. Et on le voit également dans un dernier exemple, puisque l'armée peut servir de moyen de fuite pour les protestants. En effet, le marquis de Torcy qui écrit une lettre en 1701 au ministre Chamière, ministre de la guerre, parce qu'il lui explique qu'en fait, il a vent de nombreux bourgeois, il parle d'une centaine de familles bourgeoises de Paris, mais aussi du reste du royaume, qui s'enrôlent en fait comme soldats. Donc ils s'enrôlent comme soldats ou comme domestiques d'ailleurs, d'officiers. Souvent, ce sont des bourgeois riches parce qu'évidemment, il va falloir donner un peu d'argent à l'officier pour qu'il accepte. Et une fois qu'ils sont sur les postes frontières, eh ben, ils s'en vont vers le Brandebourg, l'Angleterre ou les Provinces Unies. Donc, ici, c'est l'idée vraiment que pendant un temps limité, on va adopter l'identité du soldat, on va lui prendre son identité pour pouvoir ensuite exercer son identité protestante par la suite. Ailleurs que dans le royaume, puisque dans le royaume, on ne veut pas. Donc être soldat ou se faire passer comme tel est un moyen de vivre librement sa foi protestante. Alors tout ça, c'est quand ça se passe bien, on va dire, entre les civils et les soldats. Il y a aussi des moments où ça se passe mal. Donc ça, c'est la deuxième sous-idée. Donc les conflits confessionnels liés à la présence du militaire. Donc la présence de l'armée, on le sait, c'est souvent ce qui est le plus connu, d'ailleurs, pose de vrais problèmes aux civils et de vrais conflits. Et dans ces cas-là, les frontières, notamment confessionnelles, ne se veulent plus poreuses, mais elles se veulent vraiment distinctes. On veut bien distinguer les uns des autres. On va prendre un exemple donc, à Metz, avec le cas de conflits les plus connus, ce sont bien sûr les dragonnades. Donc à Metz, il y a deux temps de dragonnades, donc en août 1186 et en octobre 1187. Alors elles sont pilotées par Louvois depuis Versailles. Sur place, elles sont mises en place par l'intendant Jacques Charuel. On a également le Parlement de Metz. On a l'évêque, bien sûr, de Metz, et on a le comte de Bissy. Alors, le comte de Bissy, c'est le lieutenant général des armées du roi, et c'est lui qui va mettre en place ces dragonnades. Donc, il va chercher les dragons de Pinsonnel qui sont stationnés à Thionville, parce qu'il refuse en fait, d'utiliser les soldats de la garnison, puisqu'à Metz, on a une garnison. Il refuse de les utiliser parce qu'il a peur que ces soldats manquent un peu de zèle dans leur tâche. Donc il va chercher les dragons de Pinsonnel à Thionville, il les fait venir. Alors il y a tout un cérémoniel qui est utilisé, ils arrivent au son des trompettes. Donc l'objectif est bien sûr de faire peur, de faire comprendre aux protestants, aux messins protestants, ce qui va arriver si jamais ils ne se convertissent pas. Donc ici, clairement, alors que dans les exemples précédents, l'armée était finalement un pont vers une liberté confessionnelle, ici l'armée apparaît comme un moyen de mettre fin à cette liberté. Donc on réunit les chefs de famille et on leur explique ce qui va se passer, très clairement, si jamais ils ne se convertissent pas. Donc il y a une première vague de conversion à ce moment-là. Et ceux qui ne sont pas convertis doivent loger et nourrir entre 6 et 18 soldats, selon leur richesse, et à qui officiellement à peu près tout était permis. Sauf, et encore une fois officiellement, le viol et le meurtre. On sait qu'il y a eu des dérapages, mais en tout cas la monarchie ne les a pas autorisés. Donc le contact entre les civils et les protestants, entre les civils protestants pardon, et les soldats, ici, est volontairement violent. Concernant la confession religieuse des dragons qui sont utilisés ici, je n'ai pas trouvé de quelle confession religieuse ils étaient. On peut bien sûr imaginer que c'était largement majoritairement catholique, mais je dis ça parce qu'on a des cas, mais plus dans notre région, dans le cadre de la lutte contre les camisards. On a en fait utilisé des luthériens. On a utilisé des régiments avec des luthériens dedans pour lutter contre les calvinistes. Protestants dans la camisard. Et d'ailleurs, ça a posé des soucis à certains officiers. On a aussi utilisé des régiments suisses et certains officiers qui expliquent que c'est peut-être pas une bonne idée et que les Suisses sont pas très manquent parfois de zèle, donc il faudrait peut-être en trouver d'autres. Donc en tout cas, pour revenir à Metz, la plupart des protestants ont abjuré, c'est une vraie réussite, statistiquement, ça a très bien fonctionné. Alors, par contre, à partir du moment où les soldats de Pinsonnel partent, évidemment, là, on se rend bien compte que les conversions sont très limitées et ce sont des conversions forcées, puisque les nouveaux convertis ne fréquentent pas ou peu la messe, ils n'envoient pas leurs enfants au catéchisme, donc on voit les limites. En tout cas, ici, la frontière entre les soldats et le reste de la population est clairement affirmée, tout comme les identités confessionnelles. Et donc frontière, identité, ça s'affirme dans des contextes de tension. L'armée est aussi un auxiliaire de la recatholicisation de certains territoires. Et donc là, les soldats vont être employés pour éradiquer l'identité protestante. Je dis bien l'identité, l'objectif n'est pas d'éradiquer les protestants, mais bien l'identité protestante. On a le cas dans le comté de Saarwerden, qui en plus, là on est dans le cadre de la politique des réunions, etc. Donc on a une lettre de Madame de Vaudémont, une lettre du doyen de Fénétrange qu'il a envoyée à Madame de Vaudémont, qui explique que l'intendant a envoyé des archers, donc des soldats, dans les différents villages du comté, et que pour que les habitants, je cite, « aient à se déclarer pour la foi catholique, à peine d'y être contraints ». Donc là, on utilise les soldats, on n'est pas complètement dans les dragonnades, on s'y rapproche, mais là, donc, on a envoyé les soldats pour inciter à devenir catholiques. Les soldats sont aussi des auxiliaires pour la destruction des temples. Donc on va utiliser les soldats pour détruire les différents temples. On a le cas du capitaine Simon, qui arrive avec une dizaine d'archers à Fénétrange. Il passe ensuite par Beach récupérer quelques mousquetaires. Et il va détruire plusieurs temples calvinistes. Donc par exemple à Bourbar, Altweiler et Görlingen. Voilà. Il va récupérer d'ailleurs aussi une cloche qui va emmener à Bougnum. On a également les soldats qui peuvent aussi servir, qui peuvent aider les jésuites. Certains soldats accompagnent les jésuites pour fouiller les maisons. Donc ils vont fouiller les maisons, on va retirer les bibles, les livres de dévotion protestante, etc. et on les brûle. Donc là, les soldats sont donc ici le bras armé de la volonté du roi et ils participent à fixer et cristalliser les frontières confessionnelles qu'ils sont censés abattre pour qu'il n'y ait plus qu'une seule et unique confession dans le royaume, la confession catholique. Donc ces différents exemples nous montrent que l'armée apparaît comme un outil pour lutter contre la présence des protestants, et les frontières entre les soldats et les non-combattants apparaissent clairement et frontalement. Il n'est donc plus question de traverser ces différentes frontières, comme on a vu tout à l'heure, mais bien de les fixer et de les défendre. Et finalement, cette opposition contribue à construire progressivement l'identité du soldat comme étant à part du reste de la société. Donc c'est ma deuxième idée, grande idée, donc c'est plus une réflexion, alors encore inaboutie. Donc c'est le primat progressif de l'identité soldatesque, et notamment on va essayer de voir si les questions confessionnelles participent à la création de l'identité du soldat. Alors je dis bien participe parce que bien sûr, ça, les éléments, l'objectif n'est pas de mettre de côté et d'oublier ce qui participe à la création de l'identité du soldat, comme le casernement, la littérature, la vision de la mort, etc., qui sont des éléments qui y participent sûrement davantage. Mais en tout cas, l'étudier à travers le prisme confessionnel est quelque chose qui n'a pas encore été fait, donc je propose d'essayer de le faire. On pourrait penser que les soldats sont assez éloignés de ces questions confessionnelles de ces 17e, 18e siècles. On se rend compte sur le terrain que ce n'est pas forcément le cas, que les questions religieuses sont très, très prégnantes. Et le rapport à l'autre va permettre de construire et d'affirmer son identité confessionnelle, mais aussi donc de construire son identité de soldat. Donc c'est une distinction soldat-civil qui se fait très, très progressivement, et d'ailleurs qu'on ne voit pas forcément dans les textes législatifs. Si on prend les textes émis donc par la monarchie, par exemple dans l'ouvrage de Debriquet sur son code militaire, on n'a aucune mention des questions religieuses. Il n'y a pas de questions religieuses, pas de questions confessionnelles, dans aucun de ces trois volumes. Autre exemple, dans le recueil général des anciennes lois françaises, notamment écrit par Isambert et d'autres, donc j'ai pris des volumes, les tomes 14 à 28, donc ça va de 1559 à 1789, pareil, on n'a à peu près rien sur la religion ou la confession. Donc, finalement, et surtout d'ailleurs, j'allais oublier de le préciser, surtout après l'édit de Fontainebleau, puisqu'après l'édit de Fontainebleau, il n'y a plus de protestants, donc il n'y a pas besoin de légiférer sur un groupe qui n'existe plus. Donc, il n'y a pas d'article spécifique sur les soldats, justement, parce que finalement, il n'y a pas de distinction entre les soldats et les civils. Donc, lorsqu'on fait une loi anti-protestante, par exemple, on ne va pas faire une loi anti-protestante pour les soldats protestants. On va faire une loi anti-protestant et ça concerne tout le monde, parce qu'on n'a pas encore cette distinction soldat-civil, c'est en tout cas très progressif. À l'inverse du cadre normatif et législatif, les décisions personnelles des soldats, elles, peuvent permettre, notamment le choix du surnom, peuvent permettre et participer à la création d'une identité du soldat. Puisqu'on on le voit surtout en cas de désertion, quand un soldat déserte, en fait, on lui refuse son surnom. Donc c'est comme s'il quittait sa communauté de soldats. Il n'est plus digne de porter son surnom de guerre. Et parmi les surnoms, en fait, on peut repérer, alors c'est compliqué, mais on arrive à repérer de temps en temps des protestants avec des surnoms comme la paix de Dieu ou la main de Dieu. Et ça montre finalement la complexité des identités d'une personne avec un mélange entre l'identité du soldat et l'identité confessionnelle. Sur le terrain, donc le primat de l'identité soldatesque sur l'identité confessionnelle est parfois perceptible, hein, notamment lorsqu'on trouve des troupes françaises à l'est sur le Rhin et qui se retrouvent face à des communautés protestantes. Dans ces cas-là, le territoire, ils n'adoptent pas forcément un comportement anti-protestant. Le territoire ici apparaît comme finalement un espace à contrôler, un espace utile pour faire vivre la troupe, d'accord, que ce soit finalement protestants ou catholiques, qui sont logés à la même enseigne. Et donc c'est ici l'identité soldatesque qui prend le dessus. D'ailleurs, hein, de manière très générale, la violence du soldat isole finalement le militaire du reste de la population aussi. La distinction entre soldat et civil transparaît aussi dans certaines consignes données par la monarchie. Donc un exemple, en 1687, c'est Louvois, donc ministre de la guerre, hein, qui donne des instructions au gouverneur des places en cas de passage de la procession du Saint-Sacrement. En fait, puisque c'est des moments qui peuvent être problématiques, puisque Louvois parle des difficultés que les calvinistes ou luthériens qui servent dans les troupes suisses et étrangères pourront faire de se mettre à genoux lorsque le Saint-Sacrement passe. Parce que lorsque la procession du Saint-Sacrement passe, normalement on se met à genoux en position de respect. Pour les protestants, eux refusent ça. Donc, et lui, il essaie d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a un régiment étranger avec des luthériens ou des calvinistes, comment est-ce qu'il faut faire ? Donc il donne des directives, il explique déjà si c'est possible d'éviter de mettre des protestants si on sait qu'il y a une procession qui va passer par là, ou alors de les mettre, mais alors de les enlever juste avant qu'ils arrivent, ou alors si vraiment on n'arrive pas et que la procession arrive et qu'on a les soldats ici, il explique qu'en fait ils doivent rester en posture de respect. Alors, ils ne doivent pas s'agenouiller, mais ils doivent mettre le chapeau bas. Voilà. Donc ici, on a bien un exemple où le roi doit trouver un compromis dans un royaume officiellement que catholique, il doit trouver un compromis avec les régiments étrangers. Mais si on compare avec les décisions qui sont prises pour les civils concernant cette procession du Saint-Sacrement, on a avant l'édit de Fontainebleau, on a dès 1660 à Metz, les protestants ont obligation de s'agenouiller, dès 1660. On a aussi, du coup, avec ces directives de Louvois, une distinction qui est faite au sein même des soldats entre les soldats français, qui, eux, théoriquement, sont tous catholiques, et les soldats étrangers. Donc, en tout cas, une distinction claire est faite entre les soldats des régiments étrangers et le reste de la population. L'exemple de Fénétrange qu'on a vu tout à l'heure avec Jérémy Brica, qui accueille ces luthériens, ces cavaliers, en est un autre exemple, de cette volonté de priver les protestants français de tout encadrement religieux. Donc on affirme la différence entre le soldat et le reste de la population. Donc à travers les différentes restrictions religieuses décrétées par la monarchie, cette dernière crée finalement l'identité soldatesque particulière, même si dans ces deux cas, que ce soit celui de Fénétrange ou celui du Saint-Sacrement, c'est le cas de régiments étrangers. Alors, c'est une limite, évidemment, à tout ce que je viens de dire, à ma démonstration, ça ne la remet pas en cause, mais c'est une limite. C'est lié à mes sources, tout simplement. Jusqu'à maintenant, les sources dépouillées ne me permettent pas vraiment de voir ce qu'il en est dans les régiments français. On repère des protestants dans les régiments français, souvent d'ailleurs au moment où ils meurent, en fait. Parce que là, du coup, ils se disent « Non, mais finalement, je suis protestant. » De plus, l'absence relative des soldats français dans les sources étudiées concernant les questions religieuses renforce aussi l'idée que finalement l'armée est un peu un vecteur d'aconfessionnalisation, pour reprendre les termes de Laurent Jalabert, c'est-à-dire que l'identité première serait celle d'un soldat et non d'un catholique ou d'un protestant. Donc, pour conclure, l'image du soldat est resté très lié à celle de la violence, bien sûr. L'homme de guerre est resté un homme à part de la société, ou en tout cas, il se sépare progressivement de la société. Mais malgré tout, le point de vue des civils change sur les soldats, parce que le comportement des soldats change. Jean Chagnot dit qu'il devient plus humain. Et la religion et l'enseignement religieux a participé finalement à ce changement de comportement. L'étude des faits confessionnels nous a montré que l'identité d'un individu est complexe. Ce dernier ne se définit pas uniquement en tant que soldat. Il peut aussi conserver un lien avec le reste de sa communauté. Hervé de Révillon explique que le soldat appartient, je cite, à un autre monde où les hommes perdaient leur nom de baptême pour adopter l'identité de substitution du nom de guerre. Et, alors, je sais bien sûr pas de contredire cette affirmation, mais on peut la nuancer, finalement, puisque si on reprend les noms de guerre, on l'a vu, certains optent pour des surnoms qui rappellent leur identité confessionnelle. Et dans ce cas, on a bien une volonté du soldat de ne pas se séparer trop de sa communauté confessionnelle d'origine. Pour les civils, la présence de troupes peut être le moyen de vivre pleinement leur identité confessionnelle, notamment par le biais de la cohabitation centrée autour donc, d'une culture religieuse commune. Dans ce cas, finalement, les soldats ne sont pas à l'écart du reste de la société, mais bien intégrés. Et cela d'autant plus lorsqu'ils permettent à la communauté de vivre leur foi pendant au moins quelques temps. Donc l'identité d'un individu complexe, mouvante, elle évolue au gré des années, des contextes ou des rencontres. De nombreux paramètres rentrent en ligne de compte, et il ne s'agit aucunement d'étudier le soldat protestant uniquement comme un protestant, mais bien comme un individu complexe avec une identité qui n'est pas figée. Et là, je renvoie à la critique de ce que Olivier Christin et Yves Krumenacker appellent l'omniconfessionnalisation. La question de l'influence des relations confessionnelles dans la construction de l'identité du soldat est une étude qui est encore incomplète, et sur laquelle, donc, bien sûr, je continuerai de travailler dans le cadre de ma thèse, mais j'espère que ça a permis d'apporter quelques pistes de réflexion. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette introduction qui nous plonge en plein cœur justement des questions confessionnelles et finalement de la diversité qu'elles peuvent poser entre civils et combattants, même si on voit que cette nuance est finalement plus prétexte par moment que recours.